Bien, merci. Enfin, approchez-vous, venez, ça va commencer. Et ça marche. On va vous présenter le réseau d'échange réciproque de savoir. Et pour commencer, le savoir allumer la sono. C'est une offre très importante, fondamentale, pour l'éducation populaire. Bonjour. Bango de la România! Bulgaria! Se știe! Pentru băieți de la Paris! Se știe! Merci! Merci! J'ai gagné ma journée! Approchez tous! Vite, venez! C'est le moment! Moment où j'avais d'offrir, surtout d'offrir! Après, vous pouvez demander aussi! J'ai 1 euro à offrir! Est-ce que vous avez entendu parler des réseaux d'échange réciproque de savoir? C'est un troc de savoir. Vous pouvez offrir un de vos savoirs et en demander un autre en échange, même si ce n'est pas forcément tout de suite. Et on vous met simplement en relation. C'est gratuit. Ça ne demande pas d'installation particulière, à moins que ce soit des savoirs de cuisine ou de choses comme ça. Mais si ce sont des savoirs intellectuels, il n'y a pas besoin de rien, simplement de se rencontrer. Éventuellement dans un café, à boire un coup. Et alors on vous attend. Merci. Bonjour. Non. D'abord vous devez faire une offre. Une offre et une demande de savoir. Après vous aurez le stylo. Je vous fais ça après, d'accord? Les demoiselles, je ne vais pas les retenir trop longtemps. Bah elles ont le temps, c'est samedi, c'est le week-end. Oui, la galanterie, ça existe encore. Hein, de quoi? On avait dit le samedi, on est dimanche aujourd'hui. Non, on est samedi aujourd'hui. On est samedi. Je peux t'offrir la notion du temps. Il t'en remplit juste une. C'est pourquoi du coup ça? C'est pour un travail d'école, je t'en fais. Ah, c'est pas mal. Dans l'informatique, vous êtes malade. Hein. C'est dépassé l'informatique maintenant. Maintenant, c'est la transmission de pensée. Par la pensée ou autre chose. Parce que l'informatique, c'est pourri. C'est plein de pirates. C'est plein de. Il y a tous les réseaux commerciaux qui vous écoutent, qui vous lisent et qui vous envoient des tas de conneries. C'est fini ça. Maintenant, il faut passer à la transmission de pensée. C'est beaucoup plus moderne. Plus efficace, il n'y a pas de piratage possible. Le seul matériel nécessaire, c'est un cerveau. Je sais que pour les femmes, c'est déjà plus dur, mais. C'est vous qui avez commencé, hein, je veux dire, si vous me tendez la perche. Mais quand même, il n'y a pas de cas désespéré. Tout le monde peut apprendre. Je dois dire. Alors je vous demande, qu'est-ce que je comprends pas ce que ça veut dire. Je vous demande quel âge vous avez. Tu dois juste me mettre bon pour rapport. Je vous demande quel âge vous avez. Ouais. D'accord. Et je vous offre mon âge. J'ai 23 ans. Voilà. C'est un échange honnête. Hein. En principe, on ne doit pas mentir, mais bon. Oh. Ah ben non, je ne mens pas. Oui, faites voir votre carte d'identité. Enfin, c'est vrai que les femmes ne mentent jamais. C'est la vérité élaborée, quoi. Qu'on appelle la post-vérité maintenant. Bon, merci, je vais rendre ça à votre collègue. Merci beaucoup et bonne journée. Ça va? Il y a une dame qui se propose de lire un texte qu'elle a écrit. Maintenant? Mais lecture, non, elle est là, la petite dame. Ouais. Qui est pas trop long, je veux dire. Non. non, ça va, c'est une page. C'est quoi? Et c'est quoi ça? La formule chimique. Du pétrole? Mais je sais pas. On n'a pas besoin de pétrole et là vous mettez une formule, je comprends pas. Bah moi non plus. C'est pas à moi ça. C'est pas. Ciao. Comment va? Bonjour. Bene. Ma questa è una cosa chimica. Demande au chef là qui arrive. Hein. Bah, tu vois, t'as commencé le striptease. Hein. Alors dis-moi. Alors en fait c'était un cours d'explication. C'est vous qui voulez lire un poème? Oui. Un seul? C'est tout? Oui, oui. Mais j'en ai beaucoup. Ah, bah oui, là, il faut le... Alors quel? Il n'y a pas que vous, il faut de la place pour tout le monde. Mais... Allô? Ça marche? Oui, oui. Les flics sont complices. Avec la bourgeoisie, les bandits, faut tuer les flics, faut les couper la tête. On va s'amuser, le pape jouera à Bolin avec. Encore un? Non, ça va, c'est pas bien. Voilà, toutes les poésies sont admises, il n'y a pas de censure. Même si c'est pas poétique, ça fait rien. Ok, c'est noté. Super. Ah, c'est bien. Les offres, ça commence à partir de quand ou faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui le demande? C'est-à-dire? Bah, en fait, du coup, il y a des offres, mais qui va. Faut qu'il y ait quelqu'un qui le demande en fait par rapport aux offres? Bah, oui, il faut qu'il y ait une adéquation entre une offre et une demande. D'accord. Et après, c'est moi ou c'est nous. D'accord. On met les gens en relation parce que c'est pas forcément simple. Mais ça peut être aussi un échange de cuisine. Moi, je te demande la cuisine. Ah ben, il n'y a pas de problème, quand tu veux. Ah ben, quand tu veux. Ah bon. La cuisine, faut pas que tu finisses une femme de ménage après. Hein. Ah mais moi, je sais cuisiner. Sinon, j'aurais jamais monté mon entreprise. Ah bon? T'as une entreprise de cuisine? J'ai une entreprise de fabrication de moumous, pâtisserie et sandwicherie. Cool. Ah, ça va. Bon, attention, tout... mais pas de produits un petit peu... Rien du tout. Tout est fabriqué sur place et le pain... Ouais, tout... ouais. Le pain pour les sandwichs, le poulet, je le reçois le matin à découper, à cuire, je cuis sur place. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Toi-même quasiment. Je fais tout moi. Bon, il y a une offre de cuisine. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? C'est quoi déjà? Bah, c'est juste expliquer comment on cuisine des plats sans forcément cuisiner pour des heures. Bah, des sandwichs, des trucs, des bonbons. Fabriquer des bonbons. Non, des bonbons normaux, des bonbons français, durs, acidulés. Enfin voilà. Des bonbons. Non, ça va. Pas sur la police. Non, je crois que ça suffit. Hein. Et ça vous intéresse pas d'apprendre à cuisiner? Non, je sais bien cuisiner. Ah bon? Si jeune? Mais dis donc, c'est quoi ces clichés là? Ah, mais tout à l'heure, il en lâche au micro. Oh là là, la fille striptease, la fille sait pas cuisiner parce qu'elle est jeune. Non, et puis les femmes ont quand même un cerveau. C'est difficile. Oh là là, mais tu sais, moi je vais plus travailler avec toi. Ah bon, parce que tu travailles? Oui, bah oui, c'est du travail. Qu'est-ce que le bah, si tu attends la paye, ça va être dur. Par rapport à un travail sur les normes esthétiques. D'accord. Film un peu différent, pas me permettre de faire attention à la apparence. Pourquoi tu me filmes pas moi? Parce que. Elle fait très attention à son apparence. Ah bah... Non, mais tu vois, des nanas un peu genre hipster. Il se passe quoi alors? Pardon? Il se passe quoi alors? Bah, j'essaie d'amener ta demande, la réponse à ta demande, mais bon, faut du temps, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément tout de suite comme ça. Enfin, c'est pour ça qu'il faut une équipe d'animation, il faut des médiateurs, c'est pas simple. Il suffit pas d'écrire un truc comme ça, c'est du boulot. Hein. Et c'est gratuit, c'est pas pour toi. Par contre, l'informatique, c'est toujours très demandé. L'informatique, l'anglais, la cuisine... Ah bah il y a de tout, c'est de... Moi je veux, réellement, je veux réellement qu'il y ait un débat sur ce qui s'est passé cette semaine. Ah, peut-être... Ah, c'est lui. Mais demain, demain ce sera oublié, c'est fini. Ce sera jamais. Mais ça peut pas. Qu'est-ce que vous voulez oublier un truc comme ça puisqu'il a promis de recommencer. Ah ouais. Gros vent. Non mais je suis en... Non. Bah, alors après je suis pas sûre que là Ouais, c'est pour l'instant oui. Après c'est à moi. Attends, je vais. Pardon, monsieur que je connais pas. Nabat. Non, donne pas le micro comme ça. Tu me demandes avant, peut-être que je vais pas m'exprimer. Tu m'obliges pas à m'exprimer. Mais, tu t'obliges. Non. T'as jamais pris une paire de baffes? Ah si, j'en ai pris pas mal. Ah bon, bah, ceci explique cela. Ah. Tu te méfies. Attention. Alors il me reste à demander au chef, s'il vous plaît, qu'il ne vous connaît pas. Oui. Il avait un savoir à offrir et à devoir à demander. Un savoir à offrir et un savoir à demander. Il n'y a rien à voir avec lui debout si c'est possible. Tout ça. Je suis en mode organisation, j'ai le programme dans ma tête, c'est le seul savoir qui m'habite. Ça vaut pas ça. C'est... Alors, il y a une offre de roulage de cigarettes. Où est-ce qu'elle est? Ah. Bah oui, mais... Après, on va faire l'assiette. Tiens, faut le garder, j'en ai deux. Par exemple... Apprendre à enseigner à remettre un fou dans le droit chemin. À remettre un fou dans le droit chemin, tu sais pas? Remettre un fou dans le droit chemin? Oui. Il n'y a pas beaucoup de filles. Je pense que les chemins sinueux sont plus intéressants que les chemins droits. Donc le fou est dans un chemin bien plus intéressant que celui qui est dans un droit chemin. Ah. Oui, d'accord, bon. Le droit chemin, c'est une métaphore. Le droit chemin peut être sinueux. Bah, c'est un peu contradictoire, non? Ben non, parce que vu que la Terre elle tourne, hein, vu que la Terre elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, elle tourne dans l'univers, il n'y a pas de droit chemin. Et comme disait Einstein, le plus droit chemin. Entre deux points, c'est la courbe. C'est pas la ligne droite. Donc il n'y a pas de ligne droite. Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce que tu appelles le droit chemin? Là, voilà, j'ai un savoir à demander. Qu'est-ce que bah, par exemple, comment il s'appelle? Fillon qui arrête de dire des conneries. C'est quoi les conneries? Ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Ça, c'est de la théorie. En pratique, non. Ça y est. Non, mais vrai, laisse-moi le soir. Laisse-la réfléchir. Déjà qu'elle a du mal comme ça. Oh, comment ça se fait que vous n'avez pas de public, là? Moi, j'en ai un à lancer. Mais il veut pas. Ah non, pas de politique. Non, mais c'est pas une question de politique, c'est une question de force. Bah, si, c'est de la politique. C'est un savoir, la Syrie. Mais non. C'est de la connerie. Le gazage de la vie. Bonjour, monsieur. Je vais juste poser une question. Est-ce que vous avez un savoir à demander? Non. Moi, je vais lancer. Où est-ce que vous êtes? Hein? Quel pays vous êtes? Moi? Oui. De France. Après, c'est d'origine tunisienne. C'est d'origine tunisienne. J'ai d'origine. Non. D'origine tunisienne. Origine tunisienne, ah oui, d'accord. Donc vous pouvez enseigner l'arabe. Vous pouvez enseigner l'arabe si vous voulez. Oui, tunisien. Et vous voulez pas apprendre quelque chose, hein? Comment? La cuisine. Ah, super. Qu'est-ce qu'il est? Comment il s'appelle? Il y a un demandeur pour toi, là. Et c'est où déjà? C'est où déjà? Ah, pour apprendre à cuisiner. Ouais, pour apprendre à cuisiner, mais après, ça dépend quand est-ce que tu es dispo. D'accord. C'est où? Où tu veux. D'accord. Quand tu veux, où tu veux. Tu me dis. C'est quel genre de cuisine qui t'intéresse? Tout. Tout? Tout, ah bah ça va, c'est bon. Tunisie, ouais. Un petit couscous. Des pâtes? On mange des pâtes en Tunisie? Ouais. Ah bon. Ça, tu sais faire? Bah. Moi, j'ai fait un stage en Italie, hein, pour. Samedi prochain, où? Ici? Hein? Et puis on passe ensemble, j'amènerai tout ce qu'il faut. Ok? Le poignet, parce que j'ai mal à la main, du coup. Très bien, bah, voilà. Merci beaucoup. Et voilà un échange qui est organisé. Et c'est parti. Maintenant. Bah oui, mais il y a mon aide de camp qui m'abandonne là. C'est le bordel là. Non, attends, je fais des. Bah oui, mais pendant ce temps-là, moi j'ai organisé un échange et c'est parti. Ouais, dis ce qu'il faut, dis ce qu'il y a. Ah oui. Alors, parmi les offres que nous avons jusqu'à maintenant, il y a l'anglais. Comment on dit l'anglais? Conversation. On offre Project Manager. L'italien, les savoirs coquins, avoir de la patience, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va bien ensemble. Savoir coquin en ayant de la patience. Après, c'est cours d'informatique sur les hackers et les systèmes de protection. Conseil à remède naturel, c'est qui ça? Ah ben c'est une dame qui est partie. Ah merde. Raconter un voyage en France, parce que les Français, il y a des Français qui voyagent. Lecture d'un poème. Comme demande, on a l'écoute. L'écoute. Non. Il a été lu, la lecture d'un poème. Plus d'amour et de paix, porter l'humain. La physique quantique pour les nuls. L'écoute dynamique. Les papiers administratifs, savoir faire des papiers administratifs. Et. Discussion sur les élections présidentielles, ça on verra ça dans 10 ans. Parce que quand on pourra faire la différence entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait, on pourra en parler. Les coordonnées d'associations de défense des droits. Et les associations cours de français. Il y a le gâteau. Ah là, tu veux pas de la brioche? Il y a un grand gâteau dedans. Si. Ah mais je sais pas d'où il vient. Non, ça vaut pas ça. C'est pas. Oui. Après, je pense, y a pas de problème. Ça, c'est pas. C'est pas un savoir, ça, c'est un commentaire. Non. Les contacts de réseau associatif en France et le projet de créer une asso dans le 9-3. Discussion autour du look. Ça vous intéresse, la discussion autour du look? Discussion sur les. Ben, allez là-bas discuter. Non. Non, après, l'idée, c'est de faire une rencontre entre les gens, je pense. Tu apprends et tu enseignes. Nous, on met en relation les gens. Après, ils se démerdent. En fait, ça s'appelle Tinder. Ouais, c'est ça. Tinder pop. Tu veux que je fasse quoi? Clarisse. Bonjour à tous, n'hésitez pas à venir, on fait un système d'échange de savoir. L'idée c'est de partir du principe qu'on est tous en possession d'un savoir et qu'on peut tous le communiquer à l'autre, qu'on a tous des besoins, des demandes, des envies aussi. Donc voilà, c'est vraiment avoir un échange autour de plein de sujets différents. Donc si vous voyez sur le tableau une offre qui vous interpelle, une demande qui vous interpelle, n'hésitez pas à venir. Et à partager tout ça avec nous cet après-midi. Donc par exemple, là, on a des gens qui offrent des cours d'anglais, quelqu'un qui propose des savoirs coquins, d'apprendre à avoir de la patience, à raconter un voyage. Et ensuite, dans les demandes, des gens qui ont besoin d'écoute, d'infos sur la physique quantique, d'aide dans les papiers administratifs. Et voilà, bonjour. Bonjour. Juste pour dire qu'il y avait un atelier sur la science qui va commencer là-bas, près de la bâche noire, je ne sais pas comment on situe ce lieu. Et donc, si ça intéresse quelqu'un... Donc on va parler de la science, on va formuler une critique des sciences. Alors à quel type des sciences il faut venir poser la question justement ? Merci. Maintenant, profitez-en, il ne reste que 5 minutes pour parler des réseaux d'échange réciproque de savoir et d'apprendre à échanger des savoirs gratuitement dans un réseau qui n'a pas de limite. Et nous, on est là simplement pour mettre en relation les offreurs et les demandeurs et faire en sorte que l'échange se passe bien. Alors, il y a une équipe d'animation parce que beaucoup de gens ne savent pas leur propre savoir ou ils ne pensent pas que leur savoir peut intéresser quelqu'un. Et il y a, si c'est nécessaire, entre un offreur et un demandeur, il peut y avoir un médiateur pour être sûr que les choses se passent bien. Mais ça peut être aussi entre un adulte, un enfant, un français et un étranger, quelqu'un d'intelligent et un informé. Faut que tu proposes un savoir à donner et un savoir à recevoir. Aspetta, perché sennò ho impegnato, devo montare le corde e tutto per il teatro debut. E après, on va bien parler. C'est pas un savoir, ça. C'est une ignorance. Ça m'a échappé. Enlevez-lui le micro. Ah, elle veut pas le prendre. Allez. Si, moi je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? L'idée c'est d'aller voir les gens. Bonjour madame, comment allez-vous ? Oui, elle avait pas l'air très heureuse. Non, en fait il faut aller voir les gens et leur demander direct. Sinon bah oui, mais le fil n'est pas très long. Il faut les attirer aussi. Par exemple, tu pourrais. Tu veux que je fasse une petite chanson ? Et 50% pour porter des pompes ridicules. Est-ce que mes pompes sont ridicules ? C'est le débat qu'on va ouvrir cet après-midi. Est-ce que mes pompes sont ridicules ? L'idée donc là, c'est de faire un système d'échange de savoir. Voilà, en partant du principe qu'on est tous détenteurs d'un savoir, quel qu'il soit. Donc là, il y a des gens qui proposent de raconter un voyage, de lire un poème, d'apprendre des mots d'italien ou d'anglais, de donner des conseils pour avoir de la patience. Il y a des demandes type de l'écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de discuter autour de la physique quantique, autour du look. Donc voilà, si vous avez des savoirs à échanger, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à venir. Bonjour. Ben, je ne sais pas quel type de savoir vous pourriez échanger aujourd'hui. Alors, quel type de savoir je pourrais échanger ouais. Aujourd'hui ou demain hein, c'est... Peut-être le savoir dialoguer, savoir échanger des mots et parfois des idées, parfois même des principes, savoir se confronter à d'autres opinions, savoir apprendre de l'autre, savoir comprendre l'autre, savoir argumenter et même construire une pensée. Savoir. Qu'est-ce que tu pourrais demander ? Qu'est-ce que tu peux demander, toi, comme savoir ? Savoir-faire, quelqu'un qui sait faire quelque chose et qui peut nous en parler. Un métier ou un art ou. Quelqu'un qui parle de son métier, quel type de métier t'intéresserait, par exemple ? Oui, ou une activité ou une passion. J'entendais le monsieur là qui parlait de cuisine et c'est vrai que la cuisine c'est quelque chose qui se transmet. Donc quelqu'un qui vient de parler de sa passion par exemple. Ouais. Ok, et donc ton savoir, comment on pourrait le savoir que tu offres, comment on pourrait le résumer sur un post-it? Aïe. Savoir. Je cherche, hein. Ouais, vas-y. Savoir trouver. Savoir entendre. Ok, donc savoir entendre, et ta demande, c'est donc d'avoir quelqu'un qui parle de sa passion. Ok, c'est quoi son prénom ? Alan. Eh ben merci Alan, on va mettre ça sur le tableau, et puis après, n'hésite pas à rester là, à revenir, et quelqu'un va peut-être répondre à ta demande. J'ai hâte. Quand vous aurez fini les questions, je pourrais vous faire un peu de pub. Ouais, il n'y a pas de problème. Bonjour ! Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Moi, c'est Antoine. Bonjour Antoine, est-ce que tu aurais une chanson à nous chanter ? Pas là maintenant, non. Donc Antoine, l'idée c'est de... Là c'est un système d'échange de savoir. Donc est-ce que tu aurais un savoir à proposer à cette place de la République ? Sans doute. Quel serait-il ? Ça peut être n'importe quoi, tu vois, là on a des savoirs coquins, des gens qui proposent de l'anglais, de l'italien, quelqu'un qui propose de raconter un voyage, de lire un poème. Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? Alors, qu'est-ce que je pourrais apporter comme savoir ? Bah, je sais pas, je pourrais cuisiner une petite sauce, et un petit plat africain que j'ai appris. Tu pourrais nous donner la recette d'un plat africain, par exemple ? Par exemple, oui, je peux vous donner la recette d'un petit plat africain, ouais. Ok. Et de quel savoir tu aurais besoin ? Qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre cet après-midi ? J'aimerais apprendre quelques mots d'une langue que je ne connais pas, qui m'est totalement étrangère. Et quelle langue tu parles alors, pour qu'on sache quelle langue tu ne parles pas ? Je sais pas, je parle français, anglais, un petit peu espagnol... Et puis, ouais, c'est tout. Parles-tu l'italien, par exemple ? Ah non, justement, je parle pas du tout l'italien. Ah, ça pourrait donc... Tu pourrais rencontrer la personne qui propose d'apprendre des mots d'italien. Par exemple. Ça serait pas mal, quand même. Ah, ce serait le top. Eh ben, merci, Antoine. On va noter ça sur des petits post-it. Ah bah oui, c'est Didier, en plus. Tiens, Didier, j'écris un post-it. Je suis fatigué, moi. Il y a d'autres savoirs aussi plus simples, comme par exemple savoir porter le chapeau. Savoir s'habiller de manière originale et colorée. Alors, quelques mots d'italien, Didier ? Buongiorno, signore. Come sta ? Non, ça c'est espagnol. Sto bene, grazie. Bon, ok. Pour ceux qui n'ont pas les oreilles bouchées, en fait, qui ont du mur sur les oreilles, ici, c'est les Duke Pop. On parle, on a des idées, il y a un savoir qui se partage, il y a des rencontres pour pouvoir évidemment discuter sur l'actualité ou autre chose. Et aussi, la bouffe est gratuite, il y a un buffet gratuit. Je sais pas si les merguez sont sur le feu, enfin, déjà, il y a du gâteau. Il y a du gâteau. Voilà, quelques boissons. Il y a une cantine juste à côté. Franchement, moi, je dis à l'aise. Tranquille. Donc, je redis encore une fois, pour ceux qui ont des idées à partager, que ce soit un savoir, si vous voulez de faire découvrir à d'autres personnes le E égale MC, ça peut être utile, ouais. Voilà. Donc, venez nombreux. Nous, on attend que de l'écoute. Et bah évidemment des personnes qui aident la parole. À vous les studios. Oui, bonjour. Donc demain on organise à 14h ici un marché gratuit donc un marché gratuit qui s'appelle une gratiferia. La gratiferia prend son origine en Argentine quand il y a eu l'embargo américain. Donc voilà, à 14h, faites votre débarras de printemps, le soleil, il fait beau, voilà quoi. Donc ne jetez rien à la décharge publique, on recycle, c'est par ici que ça se passe. Donc recycle-mi, recycle-moi, c'est par ici que ça se passe. Des vêtements, des petites vaisselles, des meubles, nous sommes l'alternative. Soyons l'alternative à la surconsommation. Voilà, ne jetez rien, c'est par ici que ça se passe. Et le marché, on peut échanger beaucoup de choses. Et c'est... Si on arrête d'écouter aussi tous les tenants du capitalisme où il faut toujours plus d'argent pour acheter toujours plus de choses, toujours plus inutiles, qu'il faut toujours plus jeter, et démolir le climat par la même occasion, et notre porte-monnaie, il y a des tas de systèmes d'échange. Il y a gratiferia, il y a les selles, les systèmes d'échange local, où on peut faire aussi beaucoup d'échanges d'objets par l'intermédiaire d'une monnaie. Une monnaie qu'on invente, une monnaie locale. Et on peut apprendre comme ça à échanger avec les autres sans que l'argent soit un problème. Parce que l'argent, c'est quelque chose qu'on invente, c'est pas une ressource naturelle. Donc tout le monde peut l'inventer, tout le monde peut l'utiliser. Et vu que l'euro et toutes les monnaies officielles sont, il y en a de moins en moins pour de plus en plus de personnes. Donc on peut créer une nouvelle monnaie, tout simplement, une monnaie qui soit locale, qu'on puisse. Ouais. Oui. Ah oui, ça va être dur. Hein. Bonjour, c'est en italien. Ben oui, c'est ça. Au revoir, c'est arrivederci. Très bien, première leçon, c'est à qui? Non, il bosse, lui. Oula. Ma che cosa dice? Ma che cosa dice? Voilà, j'ai dit un mot en italien pour Antoine. Sarebbe che cosa dici? E poi c'è una la versione humoristique. Ma cosa mi dici mai? Che è un personaggio, c'est un personnage de marionnette italien qui a beaucoup de succès. Pinocchio. Non, c'est pas Pinocchio. Mais simplement aussi, il y a une équipe de, comment je disais ça, une équipe d'organisation, c'est-à-dire que tous les savoirs, par exemple, quelqu'un qui va apprendre l'italien, ça peut être très différent, c'est simplement quelqu'un va passer un week-end en Italie et qui veut savoir se démerder, ou c'est quelqu'un qui veut parler parfaitement l'italien. C'est pas la même demande. Donc il faut travailler sur cette demande et trouver la personne juste. Parce que beaucoup de personnes peuvent parler italien, mais pas forcément parfaitement pour l'enseigner à quelqu'un qui doit travailler en Italie, par exemple. Du coup, les réseaux d'échange locaux, est-ce que c'est parti des systèmes d'échange locaux où on monétisait finalement tel service? Genre, moi, je sais percer un mur et du coup, ça vaut... X valeur en monnaie locale, est-ce que c'est... Ouais, unité, est-ce que c'est quantifié, etc., tout ça? Non, c'est pas du tout quantifié. Tous les savoirs se valent. Il n'y a pas de quantité de temps. C'est pas une banque du temps, comme ça existe ça aussi. Et... Attends, qu'est-ce que ça dit, déjà? Non, mais il y avait autre chose que je voulais dire. Non, il n'y a pas de monnaie, c'est gratuit et ça fonctionne par groupe. Voilà, c'est pas n'importe qui avec n'importe qui. C'est dans un quartier, dans un village où les gens se connaissent et peuvent échanger entre eux tranquillement. C'est comme ça. C'est des gens qui se connaissent, qui se sont identifiés, qui c'est pas entre des inconnus. Voilà, c'est ça, parce que c'est comment dire. Enfin, bien sûr, ça peut être que des savoirs qui sont légaux, c'est-à-dire comme savoir cambrioler une banque, ça c'est pas possible. Quoique. Ça dépend. Oui. À la fois légal et illégal. En sachant que tout le système, c'est une banque qui va de l'argent à la création. Tu veux que je te relaie un petit peu ? Oui. Alors bonjour à tous. Oui. Attendez, on a une question. Moi j'avais une question pour le monsieur qui organise les échanges de savoir. Je voulais savoir si. En fait, l'échange de savoir, c'est mettre les gens en relation les uns avec les autres. Mais en fait, après, c'est du savoir qui est privé, puisqu'en fait, c'est deux personnes. Donc, c'est pas du savoir public. On va aller chercher la réponse maintenant. Merci. Je comprends pas bien la différence que tu fais entre public et privé. C'est les gens qui se débrouillent entre eux avec leur savoir. Si c'est deux personnes qui échangent leur savoir, ils les échangent en privé, ils les échangent pas en public, c'est dommage. Oui, je crois que tu as une idée derrière la tête, mais c'est ça vaut pas, ça. Oui, parce que là, tu as un micro, mais tu fais quoi avec ton micro ? Rien, alors, en fait. Oui, si je réponds à tes questions. Ouais, mais tu échanges pas de savoir. Tu partages pas de savoir, tu livres pas un savoir, enfin bon... Mais si, le savoir, comment... qu'est-ce que c'est les réseaux d'échange de savoir ? Ça, c'est un savoir. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est né dans une école, il y a une quarantaine d'années, où naturellement, dans un quartier difficile, c'était vers Orly, par là, et dans les élèves d'une classe particulièrement difficile... On était en vacances de neige à la montagne. Et bon, ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Ils ont été voir les paysans, ce qu'ils faisaient, comment traire les vaches, comment s'occuper du foin, de tas de choses. Et ils ont, avec ces savoirs, ils ont compris qu'il y avait, toute la vie est une mine de savoir. Ensuite, quand ils sont rentrés à l'école, il y a le chauffagiste de l'école qui voulait apprendre, que ça lui plaisait beaucoup son métier, donc il voulait apprendre aux enfants comment fonctionne le chauffage dans l'école. Et il a fait sa leçon, et quelques jours après, il est revenu pour voir si les enfants avaient bien appris. Et les enfants se sont concertés un peu, ils ont dit, en pensant à l'expérience précédente, on vous remercie beaucoup pour votre savoir, mais nous aussi, on voudrait vous offrir quelque chose. Hein. Et comme cette semaine, il y a une... On va voir s'il y a des gens qui ont des savoirs à partager et des demandes de savoir à demander aux gens. Donc, on va essayer de trouver quelques personnes. Mais c'est gratuit, donc venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Hein. Tous les savoirs sont bons à apprendre et toutes les demandes sont bonnes à prendre en compte. On va voir la dame qui est là. Bonjour madame, comment vous appelez ? Gislaine. Alors, est-ce que vous avez un savoir à partager ou un savoir à demander ? Il faudrait que je réfléchisse. Vous réfléchissez ? Vous venez nous voir après ? D'accord. Vous voyez, là, il y a plusieurs offres qui ont été faites. Il y a l'anglais. Voilà, il y a l'anglais, il y a raconter un voyage, il y a la lecture d'un poème, avoir de la patience. Il y a des savoirs coquins, pour ceux que ça intéresse. Hein. Et puis, de l'autre côté, les demandes, on a une femme. C'est un savoir, hein ? L'écoute et le soutien, plus d'amour et plus de paix à partir... Porter l'humain, discussion autour du look, ça c'est une discussion qui peut être intéressante sur les looks de chacun. Chacun est libre de s'habiller comme il veut. On parlait tout à l'heure de tes chaussures, mais du coup, tes chaussures sont très classe. Moi j'adore. En fait, cette demande est née d'une discussion que j'avais avec une femme qui me disait que, on discutait sur finalement comment savoir que quelqu'un fait attention à son look ou pas. Je dis, mais ouais, comment t'arrives à savoir que telle personne fait attention à son look en fonction de quoi ? Donc voilà, du coup j'avais envie de continuer cette discussion, voilà pourquoi j'ai noté cette demande.